était temps. Quel terrible orage! Et plus terrible que tu t'imagines, le dicton arabe nous l'enseigne. Lorsque le tonnerre dépasse au regard les colonnes du firmament sont prêts de s'effondrer. Oh, n'as-tu pas entendu? Si, c'est un homme qui a crié. Demeure ici, mon ange, que Dieu t'accompagne et te protège. Blessé, mais il est vivant. Sa vie. La reconnaissance du juste soit sur toi. Quel est ton nom et que fais-tu ici? On m'appelle Ségir de la tribu des Keltas. Ségir, tu connais bien la région sans doute. Ouvre le cœur du Targu, tu trouveras ce mot écrit. Oh God! Tu parlais tout à l'heure d'une mission. Quelle était-elle? Je veux le savoir. Et qu'importe, il peut nous être plus utile. Ségir le Targi, connais-tu cela? Otinéa. Eh bien, réponds au capitaine. Otinéa. Au diable le bonhomme, que ne l'ai-je laissé périr comme un chien? Réponds-moi et ne mens pas. Toi, ce mot serait donc sans mystère. Plus loin dans le hangar, tu le retrouveras, jalonnant la piste secrète. Quel est donc ce mot, Antinéa? Elle a retrouvé sa pureté. Allons, reprenons notre route. Attends encore, Saint David. Cet homme peut nous mener au secret du hangar. Je doute de sa parole. Je veux résoudre l'énigme d'Antinéa. Allah, il Allah. Morange, je te suivrai. Je ne l'oublierai jamais. Par les chevaux de l'aurore, par les sabots étincelants, dans la poussière qui vibrait d'or. Oh. et surveille-le. En créant la mort, en créant la vie, tu as montré la sagesse infinie. Toi qui détiens le pardon, nous le chemin. Une fois peut-être je l'ai fait. En avant vers le hangar. Jours durant, à travers un gigantesque chaos de rochers noirs dans un paysage lunaire à force de dévastation, rien que le bruit des pierres roulant sous le pied des chameaux, une course insensée à la merci de Seguir Benchek. Vers le soir du second jour, il se trouve au pied d'une montagne sombre, au contrefort déchiqueté, un énorme bastion ténébreux aux arêtes de donjon féodal. Là, dans le flanc de la falaise, une grotte découpe son anfractuosité. À peine y ont-ils pénétré à la suite de Seguir qu'une sensation d'angoisse s'empare d'eux. Séguir, Séguir. Parbleu, il nous a quittés encore. L'étrange personnage que nous avons choisi pour guide. Où sommes-nous ici? Vois ces falaises et ces cavernes. Nous sommes au cœur du hogar inconnu. Séguir. Le jour va s'enfuir. La nuit ensevelir la terre. Dans le noir crépuscule qui meurtrit la lumière, le pas pesant des ténèbres monte et résonne en moi. C'est le pas du destin, l'obscure marche de la mort. Une angoisse sans borne, un espoir sans limite, une terreur sans raison s'empare de mon âme et la livre tout démon. C'est ici le pays de la peur, c'est ici le pays du mystère, où notre foi défaille, où la lumière s'éteint, où l'homme n'est plus rien. Non, non, je ne veux pas, ressaisis-toi, mon âme. Et ne crains pas l'assaut de la fatalité. Dieu ne t'abandonnera jamais. Séguir, Séguir. Où diable est-il? Tu m'as appelé, Seigneur. Quand arrivons-nous? Bientôt. Seigneur lieutenant, regarde, nous sommes ici à la montagne des génies. Une, qui avait fui loin du céleste Naïm, répondez à l'appel obscur de la nuit, au fond de l'infernal. L'étoile filante qui naît me reçoit, l'astre fou qui roule au ciel noir, possède aussi une âme sous son visage de flamme. Les Ténèbres lourdes de pleurs. répondez à l'appel obscur de la nuit. Au fond de l'infernal chaîne. Assez de simagrées, assez de diableries. Tout est silence maintenant, et la nuit est sur nous. Je veux savoir où tu nous mènes. Parle, j'attends. Antinéa. Que dis-tu? Ici, partout, des inscriptions. En es-tu certain? Dans cette obscurité. J'ai lu, te dis-je, comme le soleil sombrait et que le dernier rayon touchait le flanc de la caverne. J'ai lu Antinéa. Allons, Sigir, approche cette torche, ou mieux encore, enflamme ces fagots. Tu l'as voulu, Seigneur. La main de ton serviteur à tes ordres ne fait qu'obéir. L'ombre va s'enfuir. Quel est ce vertige? La farce est magnifique. Une farce, dis-tu? Antinéa! Les signes tracés sur la pierre l'ont été depuis hier. C'est une mystification, Antinéa! Es-tu fou, mon ange, de rire ainsi? On a jeté du chanvre sur le feu, et la fumée que tu respires est celle du hashish. Les rochers sont pris de panique! Antinéa, quelle bonne farce! Nous courions après les fantômes! Antinéa n'est qu'un rêve! Un peu de fumée, pas d'avantage! Et tandis que sous l'effet du hashish, les deux officiers tombent et s'endorment, une extravagante fantasmagorie paraît sourdre du sol, des parois même de la grotte. Une ronde fantastique aux ordres des démons du hashish. Ce sont les djinns. Thank you. moment surgit, des femmes voilées se sont penchées vers Saint-Avit, vers Morhange, et les ont emportées dans une course folle au gré d'un long dédale de galeries. Maintenant, les deux Français s'éveillent. Mais quel étrange décor! Une vaste salle arrondie aux parois plaquées d'un bizarre métal plus pâle que l'or, plus foncé que l'argent. En chancelant, Saint-Avit s'est approché de la baie ouverte sur un ciel d'azur intense, une sorte de balcon au flanc de la montagne. Achevé. L'étrange décor, est-ce que je dors encore, ou bien suis-je éveillé? Oh, que ma tête est lourde des fumées et du hashish. Morhange, tu es là et ne me parle pas. Pardonne-moi, car je priais. Ainsi, je ne rêve pas et l'aventure n'est point chimère. Tout est réalité, souviens-toi. Je me rappelle. Dans le brouillard qui se dissipe, l'étrange des cavernes des génies, je te vois, Morhange, relisant ce nom. Antinéa. Maintenant, où sommes-nous? En quelle prison? Et pour quel mystère? Antinéa. Tel est le secret à percer. Regarde, le jour se lève. Dois-je croire mes regards? Sommes-nous au regard? Vision imprévue en ce désert de feu. Une merveille inconnue se découvre à nos yeux. La verte douceur des oasis plonge en des eaux languides, des chants d'oiseaux exquis s'élèvent dans l'air limpide. Éblouissante symphonie de sons et de couleurs, un joyau, une branche s'élève, un chef-d'œuvre. Cette beauté me terrifie comme une menace cachée. C'est un démon qui nous convie à quelle tragique chevauchée. Non, je ne veux pas partager l'inquiétude qui. petite obscène. L'aventure ne fait que commencer. Ne veux-tu pas connaître Antinéa? Antinéa, une pesante angoisse me laisse désorientée. Tu te dis, mon ami, prends garde, défends cette amitié. Je ne crois rien, mon âme est sans faiblesse. Ici demeurer. De quel droit osez-vous nous retenir? Nous sommes officiers, ne l'oubliez pas. Tenez-vous tranquille, jeune homme. Je déteste les militaires. Qui êtes-vous? De qui sommes-nous prisonniers? La prison a son charme, vous le reconnaissiez. Vous m'échauffez les oreilles, je me sens envie de vous corriger. Excusez, monsieur, mon ami, il a l'impatience de la jeunesse. Confessez toutefois que la surprise est grande de nous trouver ici après telles aventures. Votre calme, monsieur le capitaine, me convient et me séduit. Permettez donc que je me présente. Hannibal, César, Auguste, le maître. Et je suis moi-même officier, mais officier d'académie. Tout cela, ce sont des fariboles. Et rien ne nous explique dans vos paroles pourquoi nous sommes là. Pourquoi? Mais c'est fort simple. Telle est la volonté d'Antinéa. Antinéa, voilà le nom que j'attendais, le nom qui nous a attirés jusque-là comme un mystérieux aimant. Rêve de baliverne, menez-nous auprès de lui. Auprès de lui, j'en serais bien en peine, car Antinéa, messieurs, c'est la reine du Hoggar. Que dépend votre vie. Vos façons, monsieur, me sont déplaisantes. Et... Ah, lâchez-moi. Tu m'as appelé. Empoignez-moi ce jeune fou qui apprend-lui qu'il ne commande pas ici. Retenez donc que vous n'êtes pas même rien à l'Atlantide. Quel mot avez-vous prononcé? L'Atlantide. Et la reine, je vous l'ai dit, apprenons, Antinéa. Cessons ce jeu, une fois pour toutes, enseignez-nous. Tu me parles, Seigneur, le temps en est venu. Écoutez donc, vous avez devant vous l'homme qui connaît le mieux la question. En voulez-vous la preuve? Voici, voici, voici, dans tous ses livres et ses papiers, il n'est parlé que du secret de l'Atlantide. L'Atlantide, terre mystérieuse enfouie au fond des eaux. Erreur, cent fois erreur, l'Atlantide a surgi du sable, puis au signe de Neptune. Les flots ont découvert le désert, oui, l'Atlantide est ici, et j'en écris l'histoire. L'Atlantide, le pays étrange dont a parlé Platon, la terre des secrets et des dieux, le pays des Atlantes auquel nul ne croyait. L'Atlantide, où Neptune, dieu de la mer, enferma la mortelle dont il était amoureux. Monsieur qui y est parlé, permettez que je vous offre à déjeuner. Inutile, Seigneur, de me donner des ordres. Je savais que tout serait ainsi. telle qu'elle l'a voulu, telle que ce fut toujours. Anizerga, je serai ton ami. Et moi, Seigneur, je serai ton esclave. Mène-moi donc, et sans tarder, auprès d'Antinéa. Pardonnez-moi, monsieur, de rompre cette idylle. Seule Antinéa sera juge de l'heure où vous pourrez la voir. Tant de précautions me font plutôt songer à quelque farce grotesque. Antinéa n'existe pas. Tais-toi, cesse ces moqueries. Que vous êtes plaisant. Je ne comprends pas pourquoi Antinéa vous a fait amener. Prenez garde, je sens que la colère m'emporte. Vous me rappelez le numéro 53. Le numéro 53. Il était duc et pair, baronnet d'Angleterre. Il était rose et blond, un bien charmant garçon. Mais il est à présent le numéro 53. Et vous serez bientôt 54 et 55, ou le contraire. Vous êtes fou. Venez, venez, venez. Messieurs, on me visite au numéro. Interminable suite d'escaliers, de galeries. Et voici la salle de marbre rouge. 12 énormes lampes de cuivre formant colonnes entourent de leurs flammes une fontaine qui chante. Immense, la salle, parfaitement ronde, comporte sur son pourtour 120 niches. Plus de la moitié de ces niches sont vides. Mais les autres, les autres. Chacune contient une forme oblongue. Une statue de bronze pâle. Entrez, messieurs. Vous touchez au secret de l'Atlantide. Il règne en ces lieux un froid de sépulcre. Entrez donc, je vous en prie. Vous ne dites rien, monsieur le capitaine. Je m'efforce de voir dans cette obscurité quelles sont ces lueurs étranges. Prenez patience, la minute approche. N'entendez-vous pas ? Je n'entends rien que le chant frissonnant d'une source. Écoutez mieux. N'entendez-vous pas la voix des numéros ? Vous êtes impressionnable, monsieur le capitaine. Quelle est cette momie ? Je vous présente le numéro 53. Assez ! Assez ! Espèce de vieux fou ! Peu m'importe ces guires et vos touaregs, parlez ou l'aventure s'arrête là pour vous ! Mon Dieu, est-ce possible ? Tout ce que je craignais était donc vrai. Un homme repose là, sous cette enveloppe d'or. La pâleur du métal recèle le froid de la mort. Qui est cet homme? Comment a-t-il péri? Parlez, monsieur le secrétaire, parlez, je vous en conjure. Je me contenterai de lire ce papier. Numéro 53. Major Sir Archibald Russell, né à Richmond, Angleterre. Mort ô Hogar. Mort, ô Hogar. Et les autres, de même, que vous voyez ici, 53, vous dis-je, ils sont 53. Venez, venez, et lisez avec moi. Numéro 52. Marquis Alonso d'Olivera, né à Cadix, Espagne. Mort au Hogar. Mort au Hogar. Numéro 49. Sous-lieutenant de Maillefeu. Maillefeu. Qui fut avec moi, camarade à Saint-Cyr? Mort au Hogar. Mort au Hogar. Mort au Hogar. Tous, mort au Hogar. Cessez ce jeu absurde. Je ne doute plus, mais je veux connaître le secret de cet hypogée. Pourquoi cette quête d'homme enferme-t-elle l'encore? Vos connaissances, lieutenant, sont fort rudimentaires. Sinon, vous auriez vu que c'est de l'or et calque, le métal des dieux, celui que forgea Pluton au cœur de la terre. Le seul qui soit digne de la fille de Neptune, dont il y a... Voici dans ses victimes. Laissez-moi rire. Des victimes, non pas, mais des amants. Je n'ose deviner l'atroce vérité. Mais pourquoi fait-elle cela? Elle doit se venger. Mais qui venge-t-elle donc? Souvenez-vous de Calypso, d'Ariane, de Médée, de Cléopâtre, de Bérénice. Toujours les hommes furent des barbares pour l'autre sexe. Il vous faut crier. Et vous alors, sinistre gnome? Vous l'avez dit, je suis le bouffon de la reine. Dans la salle, où la fontaine chante d'une façon poignante, une lourde porte vient de tourner. Aux yeux de Saint-Avit, aux aguets, une forme paraît, mystérieuse. Enveloppée d'une longue cape, elle approche. Visage menu aux yeux d'émeraude, autour de petits fronts bombés, têtus, l'Uraeus d'or de l'ancienne Égypte. Antinéa, belle. Plus belle encore. Sa cape tombe et sa tunique audacieuse découvre sa gorge, laisse nues ses jambes d'une pureté exquise et ardente, car elle danse, aucun parmi ses amants ne l'a jamais entendue, pour elle, tout n'est que danse, danse. Danse, Antinéa, pour ceux dont les corps sont là pétrifiés sous l'oricalque. Danse pour ceux qui moururent hier. Danse, danse pour ceux qui demain mourront d'amour pour toi. Danse, danse. Thank you. Nous venons d'écouter le premier et le deuxième acte de l'Atlantide, drame lyrique en 4 actes et 9 tableaux, d'après le roman de Pierre Benoît, livret de Francis Didelot, musique de Henri Tomasi. L'interprétation, Michel Herbé, Jean Molien, Bernard Demigny, Jacques Mars, Jean Giraudot. Dans sa chambre, Antinéa demeure immobile. Sur de lourds tapis blancs, eux-mêmes jetés sur une gigantesque peau de lion, Antinéa repose. Énigmatique, son regard se pose tour à tour sur ses servantes. Antinéa, reine de Saba aux yeux verts, au sourire presque virginal. Antinéa attend la première visite des deux officiers, Saint-Avit et Amorange. Cependant, que Tanit Zerga chante pour sa maîtresse. Chante. De troubler ces instants charmants. Je serais ravi d'avoir encore l'âge d'y faire bonne figure, mais... Oui, je vois que tu t'agaces, tu attends beaucoup mieux de moi. Que te dirais-je de ces deux hommes, l'un lieutenant plein de passion, l'autre, ma foi, ne me paraît pas disposé à t'obéir comme tu le souhaites. Il est en tout point d'une mâle beauté, mais il est riche et fort d'un dieu que tu ignores. Tu ris, Antinéa, tu te moques de moi, je connais ta puissance. Ah non, je me retire et je t'envoie. Laisse-moi le soin de le choisir à pile ou face. Souviens-toi que l'un et l'autre sont amis. Est-ce bien toi? Je doute encore, je doute de mes yeux. Ne m'éveille pas, ne brise pas le rêve vertigineux. Antinéa, ni la parole. Découvrant le canis, on pourra baiser ma fièvre. corps pressé, ton corps embrasé. Je suis prêt à partager le secret. Je subirai le rite pour aimer sans limite jusqu'au nom suprême.